Chapitre 13e. L'hiver, les traîneaux. 5 octobre. La nuit est close à 4 heures du soir, et la gelée monte déjà 30 degrés rayés au mur. Mais c'est l'ordinaire de ce climat. Un des habitants de Berezov est venu avec son traîneau pour nous engager à faire une promenade. Nous avons accepté son offre avec plaisir. Le renne est de la grandeur d'un veau de 2 ans, et il ressemble à cet animal par le pied et par le museau. Le reste de son corps a quelque rapport avec la biche, mais les jambes sont encore plus élancées et plus fines. Ses cornes sont plus longues que celles du cerf, et son poil varie du blanc au bleu clair, où parfois il les mélange de l'un et de l'autre. Le renne est élégant dans ses mouvements, et ses allures sont charmantes. Il perd ses cornes tous les ans, mais elles repoussent avec une branche de plus. Quand un renne a perdu ses cornes, il devient faible et incapable de travailler. Les traîneaux s'appellent narc. Ils sont généralement attelés de 3 rennes. Une courroie qui passe sous le ventre de l'animal est fixée au traîneau. Une seule guide, attachée aux cornes, suffit pour diriger l'attelage. Le cocher tient à la main, en guise de fouet, une longue baguette de 3 mètres, ferrée à l'extrémité, et qui lui sert pour arrêter les rênes. Les rênes ont le pied si sûr et si léger qu'ils se maintiennent, sans jamais s'enfoncer sur la surface de la neige, et qu'ils se frayent la route sans qu'il soit nécessaire de les conduire dans les chemins tracés ou les routes battues. La rapidité de leur course est fabuleuse. Ils montent les collines les plus escarpées, ils les descendent sans se reposer ou sans ralentir le pas. On peut les arrêter au milieu d'une grande élévation de terrain sans qu'il y ait le moindre inconvénient. Les conducteurs de rennes ne s'occupent pas de la nourriture de ces pauvres animaux. Ils broutent le lichen qu'ils trouvent sous la neige. Quand ils ont faim, ils se débarrassent du traîneau et vont à la recherche de leurs plantes favorites, et quand le repas est terminé, ils reviennent, sans qu'il soit besoin de les rappeler, reprendre la courroie. Ils sont courageux et durs à la fatigue. Ils peuvent faire 30 kilomètres sans reprendre haleine. Quand les rennes se sentent à bout de force, ils se couchent sur la neige, se reposent un certain temps et reprennent leur course avec la même ardeur. Mais si un conducteur brutal veut les forcer à marcher quand ils ont besoin de repos, ils deviennent inflexibles et se feraient tuer sur place plutôt que d'obéir. On dit la même chose des attelages de chiens qui remplacent les rennes dans le sud-est de la Sibérie. Les rennes ne supportent pas la chaleur. Aussi, dès le mois d'avril, ils se dirigent vers les monts Oural, où les neiges sont éternelles. Les individus auxquels ils appartiennent les marquent d'un signe particulier au moment de leur départ. Cela fait, on les abandonne, et ils ne manquent jamais de revenir au gîte à l'approche de l'hiver. La peau des rennes est très appréciée, on l'emploie à différents usages. Leur viande est savoureuse, et la langue surtout est très estimée des gourmets. C'est un mets qu'on sert sur les grandes tables, à Pétersbourg, à Moscou et à Tobolsk. Notre excursion m'eût été agréable sans la rigueur du froid, et malgré mes fourrures et mes ouates, j'ai beaucoup souffert et suis encore tout engourdi. Mais après quelques heures, la bonne température de ma chambre m'a complètement remise. Les traîneaux dont on se sert pour le voyage ont la forme d'une boîte. L'intérieur est garni de lits de plumes et de fourrures. Les petites ouvertures ménagées pour renouveler l'air sont fermées par des rideaux épais. On voyage non assis, mais couché, et aussi commodément que si on était dans son lit. Les Sibériens n'admettent pas une autre façon de voyager. 8 décembre. Les fenêtres n'ont point de vitres. Elles sont remplacées par une peau de poisson préparée pour cet usage. Cette peau est un préservatif contre le froid, le vent, et permet d'enlever plus facilement la glace, mais cela rend les appartements tristes, sombres et empêche de voir au dehors. Nous sommes à l'époque des plus longues nuits. Le jour dure 3 heures. On a des transports de joie quand on aperçoit le soleil, mais il se couche si vite qu'on n'a pas le temps de se réchauffer à ses rayons. Il ressemble un peu trop au bonheur de cette vie. Ici, il n'y a pas d'horloge, il n'y en a même pas sur les églises. Le bureau de la police, car il y a une police, il n'y a pas d'horloge. Le bureau de la police possède un primitif sablier pour marquer les heures. Un cosaque a pour fonction de retourner le sablier à chaque demi-heure. Cela fait, il se dirige vers l'église et frappe sur la cloche avec un marteau autant de coups qu'il en faut pour indiquer l'heure. Le cosaque se tire assez bien de son emploi pendant le jour, mais la nuit il se perd dans ses calculs, et je me rappelle que dans une nuit d'insomnie, j'ai compté jusqu'à 45 heures. J'ai supposé qu'il était minuit. Pour abréger les longues soirées d'hiver, il y a des hommes dont l'état, la position sociale, est d'aller d'une maison à l'autre pour conter des histoires, des légendes et des contes. Ces espèces de bardes ne manquent pas d'éloquence. L'un d'eux est venu hier chez moi, j'ai retenu son récit, et je vais le rapporter. Cela amusera mes enfants si jamais ils lisent mon voyage.